رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله ولد الهادي محمد رسول الله 6 ans plus tard, Sidna Mohammed le prophète retourna à la Mecque, vainqueur, triomphateur, heureux sous la bienveillance de Dieu. Mais tel le commun des mortels, seul Allah est éternel. Il mourra à 63 ans, sous le grand deuil des musulmans, en l'an 632. Et l'islam guide des pieux, sous la bienveillance de Dieu. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.